Yolène, j'ai froid sans toi, et l'amour guide mes pas. Yolène, je meurs sans toi, mais toi, oui, tu t'en fous de moi, et tu embrasses les autres garçons. Tu embrasses les autres garçons. Oh Yoël, je n'aime que toi. Yoël, mais il faut que je me détache de toi. Je veux me détacher. La parole, je suis un chien errant, Yolène. Dès que tu m'adresses la parole, ah. Je sais que je vais te voir au troubadour. Oui, oh, je sais que tu refuseras toujours mon amour.